passé comme ça. Si seulement tu me l'avais dit. Choc dans le game, ils sont à court. Tout le temps dans boîte l'inédit. À Marseille, y'a le rap, y'a le foot. Y'a des légendes comme Zinedine. Là, j'ai pété le fumigène. Tout le monde dans ma galaxie. Oh maman, oh maman, oh maman. J'suis dans mon monde, dans mon monde, dans mon monde. Oh maman, oh maman, oh maman. J'suis dans mon monde, dans mon monde, dans mon monde. Ouais, j'ski. Dans la zone, y'a pas que les chemins qui perdent. Tu te balades d'un coup, hop, surprise. Ils parlent tous mal entre eux, ils font la pisse. Oh ah, oh, ah. Père, je veux punaise, elle veut me laisser. Et ça m'intéresse pas. Wesh, j'ai quitté le terrain de cesse. Elle veut m'attirer, ça m'intéresse pas. Père, beaucoup de ZML, beaucoup d'ennemis. À la base, c'était méga. Genre, faut les rafaler en mode là, il a l'ami. Tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai cuisiné, j'ai capté la recette. J'ai peur que de Dieu, c'est pas compliqué. Hein, pas de feu sans étincelle. Dans la nuit, j'ai pas mon piquet. Ma tête, voulais m'en sortir, c'est pas compliqué. Hein, je suis discret dans mes affaires. Tard la nuit, c'est pas compliqué. J'pense qu'au pire, quoi qu'il arrive. J'fais du cash, mais j'pense qu'au pire, quoi qu'il arrive. Hein, j'pense qu'au pire, quoi qu'il arrive. Et même si j'm'en sors, j'pense au pire, quoi qu'il arrive. Hein. Jamais nargué la misère, mais toujours la classe, la fraîche, la pêche. Les yeux RSV sous la visière, né dans la dèche, c'est toute ta blèche. Ma dalle ne sera jamais easy cool. L'âme en otage, le corps en war, et jamais ce qu'elles écoutent. Non, non. Pour ceux de ma classe, pire chien de la casse. Ici la voix pas l'écho. Vrai comme un accord, froid comme un AK. Jamais là pour la déco. Va que la causette, tout pour la cause. J'crois que le cœur est closette. Goutte de kérosène pour qui nous aime. Et merci aux filles d'Arzène. J'abdure chaque main que Dieu all in. Au bord de l'OD ou en Lamborghi. La vie d'a plus dur que Paoli. Faut que tout en dé, tout en doggy. Le paquet m'attend dans leur pokey. J'ai garé mon place dans leur bokey. Elle est bien chargée comme un glocky. L'argon les amarre comme un floki. Et si ça va pas, on dira que demain tout ira plus ou moins. On veut ce qu'on n'a pas, à portée de main, c'est jamais trop loin. Entre le BN, entre Gain et Rose, je remonte au courant. Tout ne tout taille, c'est plus comme avant, j'éteins le courant. J'ai les lunettes au clé, mais ça tire à l'aveuglé. Je voulais pas fumer, c'est mes doigts qu'en font qu'à leur tête. J'étais parti loin de chez moi, c'était jamais le top. Quand je quitte Marseille, je me sens comme un pétard dans un paquet de clopes. J'suis pas bien ma chérie, loin de chez moi, je fais l'allergie. On taffe pour être partout, comme un single au maillot de l'Algérie. Si on me localise, c'est le 13 organisé. T'as capté d'où elle vient l'odeur, il est trois fois tamisé. Moi, moi, j'ai jamais pensé qu'à moi. J'donne pas au chien qui aboie, si c'est à moi, c'est à toi. Moi, moi. J'ai jamais pensé qu'à moi, j'te fais rouler dans la quoi. Si ça, moi ça. Ça fume pas. Que la frappe, ça fume pas le con. Je sais que la gagne c'est un vrai comment. Litre en ballon de zipette, j'envoie à tu profit pour la promo. De rien pour la passe, merci pour l'adresse. J'm'excuse pas pour tous les poumons qu'on agresse. Je peux m'excuser pour le mal que j'ai fait, mais les képis ont déjà remonté mon adresse. Cagoulé dans ma sacoche, c'est sûr j'ai un 12, j'ai planté, j'peux le refaire encore. Hier on faisait rentrer du bif, aujourd'hui on en refait encore. Y'a la balistique et au sol y'a un corps. Hier c'était chaud dans la ville. Aujourd'hui ça fait du sale encore. Faut pas se laisser aller, n'attends rien en retour. La seule médaille que j'ai, c'est que quand je la coupe. Ta petite fait que chialer, la faucheuse joue des tours. Je lui crache sur son visage, mais je crache pas dans la soupe. Fais pas le mesquine, tu mets la guine. Entouré de chétana, j'ai plus d'ange gardien que Joséphine. J'irai voir ailleurs si l'amour en envoyant. J'suis pas le genre de clébard qui prend la fuite en aboyant. Dans le 13, y'a pas que les fruits de mer qu'on décortique. Y'a aussi les cœurs sensibles, pas ceux qui résonnent au portique. Chemin rempli d'ortil et chevilles entailleux. J'ai jamais fait le gros, pourtant j'ai toujours détaillé. Sur terre, y'a beaucoup de violence. J'ai vu ma vie, j'connais pas son sens. Le saut dans le vice, allez, ciao l'enfance. Poil perdu dans ma bonne conscience. J'veux le monde, mais j'suis pas son centre. Pleine trentaine, là j'suis concentré. Plus de 400 coups dans le 13, on en créera une autre. S'il y a pas d'entrée, j'voulais pas montrer, mais j'le sens monter. Tout ce seum qu'il faut que j'évacue. Qu'une chose en tête, c'est faire de la thune sous les beaux yeux. Des mères nature, hyperactif, on le paiera dur. Devant Dieu, bégayeras-tu. Pareil que l'homme a besoin d'amour, c'est peut-être pour ça qu'il paye sa pute. Quelle finesse, j'ai le vécu qui me prend de vitesse. Peu de souplesse, donner sa confiance. C'est comme conduire en état d'ivresse. La mère t'a dit vrai, ouais faudra j'y faire. Trop de problèmes à identifier. À Marseille il pleut des balles, faut pas te fier autant qu'il fait. J'suis pas du la prod, je la tape, je la mitraille. J'ai les contacts pour des tickets ravitaille. Si je le fais, ils diront que c'est un miracle. Combien de fois je me suis perdu dans le mirage. Combien de fois j'ai dû brûler la couche. Et combien de fois je leur ai fermé leur bouche. Fume sur mon cœur, c'est de la frappe dont tu tousses. Toutes vos paroles, moi je dis on s'en fout. Tout ce que j'ai eu, je le sais, je le mérite. Faire la monnaie, jamais laisser de répit. Pourquoi tu me suis, t'es un fan ou un képi? Il est énorme, en fiche qu'à la pluie, je les ai. J'ai fait une brique, je pense à quitter le pays. Cette année, c'est le sud, ouais, c'est chaud, ouais, c'est terrible. J'en connais plus d'un qui vont retourner leur télé. Viens pas me faire des manies. Je le fais tellement easy, je le fais jamais pour la glory, bitch. Ils disent que c'est du rap de niche. Tellement je prends le game en doggy, bitch. haine, mes sentiments strappés comme une momie. Pray for me, le cœur froid comme ces aides comme des airs de Kobe. Toujours 2-3 haineux, les mêmes qui reviendront sucer nos buts. Très organisés, si tu veux être sauvé, faut rejoindre le lobby. Si je suis trop blessé, I'm sorry, rien que j'enchaîne les switch comme Kobe. Faut pas parler trop, une seule fois t'en as déjà trop dit. A force vouloir jouer toutes les balles, tu vas te faire affaler. J'peux pas être loyal, si t'es un liar, sois jamais allié. Toutes ces chaînes sur ton mille, tu galères pour payer ton loyer. Parle pas de nous faire la guerre, t'as pas de logistique pour les déployer. Dans la zone y'a pas que les juifs qui perquisent. Tu te balades d'un coup, hop, surprise. Ils parlent tous mal entre eux, ils se font la bise. Hop là, wesh qui.